quelque chose à faire aujourd'hui. Aujourd'hui tu m'aimais, enfin quelle.

l'ours n'est pas vraiment méchant. Il a peur. Méfie-toi, ma tête, qu'il n'y a personne. Tes propres pièges, je pense pas qu'ils fonctionnent. Mon arme secrète, mais la majorette qui s'exclame en cœur. Tu sais que l'ours n'est pas vraiment. Comme toi, l'ours n'est pas.